Zot ka koute émission Kon Lanbi, musique jeudi, et puis EDS. En koutzie à sous ces nouveaux cartes musique qu'a fait Guadeloupe Martinique. Musique capote max à qui j'a fait, tout en y ka mené en bagaille nef. Premier dimanche de chaque mois sur Radio FPP 106.3 à Paris, 16h-17h. Les podcasts sont à retrouver sur le site streetdiamond.fr, rubrique podcast Kon Lanbi, ou sur mes réseaux EDS Musique avec un Q à la fin. Je m'appelle donc EDS, artiste et animateur improvisé depuis une cinquantaine d'émissions. Je reviens sur la version après une grosse pause pour la passion de ces musiques jeudi, pour les faire découvrir, les décortiquer, les inscrire aussi dans le fil de l'histoire de nos musiques caribéennes. Je parle en particulier du hip-hop et dancehall créole, des genres alternatifs, fusion pas encore définie, création précieuse qui passe parfois inaperçue. Pourtant, elles disent qui nous sommes. Musique nous vivant, fait vivre ces résistances. Les amateurs du hip-hop guadeloupéen des années 90 et 2000 le connaissent sous le nom de Tismé, membre du Karuk Era Crew et de la Horde Noire, auteur de l'album classique Zion-tifique, sorti en 2010. Tismé Dinou était qu'à sortir en ça, mais c'est non seulement qui chappait. Ni temps pour fête, ni temps pour ou fête, façon phénix, c'est lui-même qu'a dit. Au revoir Tismé, bonjour Mano Dichango. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la mue du phénix est productive. Plusieurs projets, presque en deux branches. Une partie très MCing, technique sur les exotismes, couleurs hip-hop, soul, jazz dominantes. Et de l'autre côté, des petites graines caco futuristes semées, comme Caco Technique, Ishango Caco, qui aboutissent à ce nouveau projet ambitieux, Live from Wakanda. Vini terrestre et ini céleste. Ça va dans si l'église ou peut faire grand messe. Sans fait comme geste, eh ben au baisse en veste. Ni bon tête en fait qu'on chien qui s'en met sans laisse. Ta carotte en baisse, pas ni l'argent en caisse. Addiction matérielle fait nous qu'à vivre en stress. Qui ou qu'à vivre la campagne, qui ou qu'à vivre en test. C'est même schéma qu'on y est là, grand mettre là c'est qu'on messe. Opéga, se reconnexion, elle veut la nax. Si inversion, finition, aliénation, zami y passe. Parce que tu peux pas laisser ça fait comme ça. Sans fond combat, puis les mêmes mains en 7 comme ça. Non. Découvert, ouvert, troisième zéla. Cherchez comprendre le message. Akio là, en gazier là. Adi Goudlo là, calé ses mac là. Si wash là. La famille bien bonjour. En comptant vos autres là. Ça y dit à Mano. Mano, Mano, comment vous avez dit ça? Qu'on voulait, Mano, Mano, nous en crayon, nous faisons Mano. Après les EP Caco Technique et Ishango Caco, tu reviens avec un projet produit par Calbas Mass, dont on ne trouve pas grand chose en dehors de ses collaborations avec toi. Est-ce que tu peux nous le présenter? Calbas Mass, compositeur guadeloupéen, qui travaille essentiellement sur le place caribéenne, donc des samples, on va dire, de la zone Caraïbe. Et avec une approche hip-hop, donc vraiment dans l'esprit du caco, de fourni, exercice et compagnie. Comme disent certains, du tradit moderne. Tradit moderne. Alors, on te reçoit là pour, je te reçois là pour un nouveau projet qui n'est pas encore exactement sorti, qui est sorti à un petit moment. C'est Live from Wakanda. Et dans la présentation du projet, tu parles d'un espace de recherche et de développement dans le domaine de la musique situé au centre des Petites Antilles. Qui trouve-t-on dans ce laboratoire? À part toi, bien sûr. Ben, moi, effectivement, monsieur Calbas Mass, et on va dire tous ceux qui interviennent non, à distance, donc quelque part virtuellement, comme Inès Kai, avec qui je travaille beaucoup, qui est basé en Irlande. Ça peut être ponctuellement Jamal Faenes aussi, Dichango Sound. Donc c'est ça, c'est une petite équipe, c'est un peu, c'est un peu un laboratoire, on va dire, restreint, de petite taille, mais vraiment avec cette idée de recherche et développement pour essayer de trouver un son, de travailler certaines rythmiques. Donc c'est vraiment l'esprit, c'est pas refaire du cassave des années 80, exactement, mais c'est s'inspirer de cet esprit-là, cet esprit de recherche, cet esprit d'innovation, voilà, cet esprit qui a animé cassave à la fin des années 70, cet esprit de fusion de funk, de musique traditionnelle de chez nous et de trois musiques de la Caraïbe. Donc c'est vraiment cette idée-là. Et on a tellement de rythmes en fait qu'on n'a pas encore vraiment exploité. Donc c'est cette idée-là, quoi, de trouver des rythmes, et il y a toute la difficulté de trouver des rythmes sur lesquels on peut rapper, parce que c'est pas toujours simple, comme tu le sais. Ton projet précédent s'appelle Futuristic Vintage. Mm-hmm. Dans Wakanda, on retrouve cette fascination pour l'opposition ou la continuité entre passé et futur, mm-hmm, ancien et nouveau, tradit moderne, comme tu viens de dire. Dans le son même de Calebasse Mass, on a en même temps un son très digital et en même temps une chaleur, on pourrait dire une sorte de chaleur digitale. C'est beau ça. On s'interroge, parce que je parlais de ça avec Pascal, sur votre partenariat et votre processus créatif en fait. Mm-hmm. Puisque, comme j'ai dit, Kako Technique était produit par lui, Ishango Kako également. Et donc là, on arrive avec un projet un peu plus long. Est-ce que tu peux nous en parler? La vision, c'est vraiment trouver la formule rythmique qui va coller à ce qu'on veut faire en termes de rap. Ce qui a été le plus difficile jusque-là, c'était vraiment de trouver cette base rythmique sur laquelle moi je vais pouvoir m'asseoir. Après, c'est de l'échange, de la recherche d'éléments quand il y a du sampling, éléments qui peuvent d'ailleurs provenir de DJ Phony, qui lui-même a fait son travail de recherche et qui a déjà fourni des éléments de samples qui se sont retrouvés dans des beats. C'est vraiment composition MCing et avec l'idée de trouver quelque chose qui va rouler. Sur Life on Wakanda, il y a encore plusieurs types de rythmiques. Je ne sais pas si tu as vu sur Bien Bonjour et sur Say OK. Ce n'est pas vraiment le même rythme qui tourne. Mais voilà, c'est cette idée en particulier sur ce projet d'avoir des rythmiques inspirées des rythmes de chez nous, mais avec du, et ça tu l'as entendu à l'oreille, c'est pour ça sûrement tu parles de chaleur digitale, avec quand même pour ce qui est des harmonies, de ce qui vient au-dessus du rythme, des choses qui sont très digitales. Mm-hmm. Bon, particulièrement sur ce projet-là, l'idée c'était, on ne fait pas de sampling, on va uniquement sur quelque chose de digital. Zéro sample, puisque okay, on sait que les samples, il faut les déclarer dans le meilleur des cas, il faut obtenir des autorisations, c'est pas toujours simple, pas toujours évident, c'est presque un travail administratif, pour ne pas dire juridique. Et j'ouvre une parenthèse d'ailleurs là-dessus, je pense qu'on a beaucoup à... On doit continuer à travailler, nous, Guadeloupéens, Martiniquais, et ceux qui font de la musique à base de samples, d'échantillons. Il faut qu'on arrive à trouver aujourd'hui une façon de fonctionner un peu à l'américaine, avec peut-être des cabinets juridiques qui vont aller faire tout ce travail de déclarer les samples pour nous. Je pense qu'il faut qu'on arrive à ça, parce qu'en fait, on marche sur de l'or, comme tu le sais, mm-hmm, par rapport à ce qui a été produit comme musique dans le passé en Guadeloupe et en Martinique. Je pense à Falfret, je pense à Caribe Jazz Ensemble, je pense à... même le Cuba Séjour, enfin bref, on marche sur de l'or avec le jazz caribéen, et comme dit un ami, on marche tellement sur de l'or qu'on a les pieds dorés. On n'exploite pas ça et on ne sait pas quelque part comment exploiter ça correctement. Le mot exploiter est peut-être mal connoté, peut-être faire peur, mais c'est vraiment l'idée de dire, bon, il y a des gens qui étaient là, qui ont travaillé, qui ont fait de la très belle musique, comment nous, on peut puiser dans cet héritage pour aller de l'avant et aussi leur rendre hommage. Donc je referme cette parenthèse-là. Donc, et sur Life on Wakanda, on n'est pas dans cette idée d'aller sampler, justement, on est dans cette idée de dire, ok, le sampling, c'est bon, on en a besoin, ça fait partie de la culture hip-hop, mais on peut aussi créer des choses de nous-mêmes en jouant des choses qui ne sont pas forcément des mélodies complexes, mais après, comme tu le sais, c'est du hip-hop, c'est un peu de musique de trance. À partir du moment où on a une boucle et que la boucle tient la route, on peut se mettre à rapper dessus et créer une œuvre. Uh-huh, uh-huh. Yeah, yeah. Django. Django. Ouh, ouh. Eh, eh, eh, Vintage, qu'on fait l'oxe, veve, yibis, kiss, gade, shake, li, pagade, shake, ni, bis, bis. T'as la piste qui miss, si, comme un whisky, ni, équilibre, pour, ni, gentil, for, ni, wicked. Sa belle. Koyoka dit sa pristine, tout partout. Il faut prophétique à mislead. Un sou prévé ou qui bise un piste qui ristine. Crie Christ, si ou a te crie Christine. Nous pas has-been, gade bien nous c'est l'iskin. We build this issue, we call in the building. Ga network commun qui a ce LinkedIn. Ga export tout partout ni a tout comme une chine. Nous pas clown sin, sorry nous aimer let's keep clean. En Guadeloupe en créole ou Ghana ça t'es pigeon. Sa kassam gade ke pa gade linguistique. Si ou ok, c'est ok ou con holistique. C'est ok. Alors, en même temps que tu sors Live from, enfin, même avant que tu sortes Live from Wakanda, tu sors Same Old Ish. Mm-hmm. Et dans la présentation de cet autre projet, tu parles de poursuivre le travail accompli par nos héros disparus. Mm-hmm. Pour Wakanda, tu parles de Kassav en inspiration, on l'a vu. On va écouter l'hommage rendu par Calbasmas à Jacob Desvarieux qui s'intitule Nouveaux Étoiles. Yes, Mono Shango, Kon Lambi Music Jodi, One Love to Love and Yes. Actuellement développé dans les laboratoires de Wakanda, s'inspire des expériences et découvertes du groupe Kassav réalisé autour des années 80. Parle-nous de ce que représente Kassav pour toi. Est-ce que tu peux nous parler d'un morceau qui t'a particulièrement marqué? Tu l'as déjà un peu dit d'ailleurs, hein, ce que représente Kassav en termes de, d'intention, oui, quand ils se sont créés. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est cette idée de fusion, d'innovation, de recherche d'un son qui nous ressemble et qui est en même temps nouveau. Donc c'est vraiment dans l'esprit de ce que tu disais tout à l'heure. C'est un peu pour ça peut-être que mes projets sont souvent des ponts entre passé et futur, futuristique, vintage, etc. C'est vraiment inspirant, tu vois, et cette approche-là, et c'est ça que je veux essayer de suivre comme voie, c'est puiser dans nos racines, dans notre héritage pour faire quelque chose de nouveau. Donc à ça, pour moi, en ce sens, c'est vraiment un modèle, vraiment une voie, comme je dis. Oui, s'il fallait donner des noms de morceaux qui vraiment sont pour moi importants ou qui me parlent, il y a Gadé en haut, qui est Kassav 7. Qui est sur le premier ou le deuxième album. We'll be right back. morceaux des premiers albums me parlent énormément parce que déjà musicalement ils sont un peu extraterrestres, enfin ils sont ils sont hors du temps, intemporels, et ils sont comment dire, ce qui les caractérise, c'est qu'ils traitent de thématiques qui sont originales et qui bien souvent n'ont plus jamais été traitées après. Et c'est en ce sens-là que vraiment les premiers morceaux de Kassav me parlent énormément. Nouvelle, c'est intéressant parce que c'est un morceau que j'ai découvert très tard. Et ça parle de la rumeur, ça parle de la transformation de l'information, de comment il faut rester attentif à ce que les gens disent, parce qu'en fait, ils peuvent en rajouter, entre guillemets, comme on dit en France, le téléphone arabe. Et c'est vraiment intéressant, vu l'époque qu'on vit et les événements qu'on vit actuellement. C'est très d'actualité. Le bouche à oreille, l'information qui circulait comme ça il y a 40 ans de bouche à oreille et qui pouvait être transformée, aujourd'hui j'ai presque envie de dire que c'est le transfert sur WhatsApp, c'est l'information sur les réseaux sociaux qui peut être transformée, qui peut être manipulée, qui peut être voilà, trafiquée même, j'ai envie de dire, et ça me fait penser à cela, c'est son film on va dire avant-gardiste, Trafic d'infos, vers 2005, et qui quelque part est complètement en phase avec ce qu'on vit aujourd'hui, puisque dans ce film on parle d'informations contrôlées, d'informations non contrôlées. C'est en ce sens que Kassav, pour moi, et les premiers morceaux de Kassav sont quelque part les plus intéressants, même si toute l'œuvre de Kassav est intéressante, mais il me parle encore plus par rapport justement à mon processus de création et à mon envie de trouver une formule. C'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait, les morceaux que tu as choisis, c'est aussi la période où Kassav cherche encore son, en fait. C'est un peu est-ce que ton Live from Wakanda, c'est l'équivalent des premiers albums de Kassav? C'est un peu cet esprit-là. Ouais, c'est un peu cet esprit, et c'est pour ça que volontairement, il y a des tests sur les rythmiques pour voir un peu aussi comment les gens réagissent. Alors, on fait pas de scène, on n'est pas forcément joué à la radio, on n'a pas les budgets promo qui font que notre musique est largement diffusée, mais on a, comment on dit, des analytics, on a des données qui nous permettent de voir quel morceau a été le plus streamé, le plus écouté, donc ça c'est intéressant. Moi aujourd'hui je vois qu'un morceau comme C'est OK est quand même pas mal écouté, je suis un peu surpris. Bien Bonjour a été bien accueilli également. Ce morceau qu'on a clippé, donc le clippé dans les tuyaux, donc avec une sortie sûrement fin 2021 ou début 2022. Mais voilà, je teste un peu les différents parfums, les différents arômes, les différentes saveurs. Et peut-être qu'effectivement, en fonction de la réaction, je vais plus partir dans une certaine direction rythmiquement parlant. Émissions, je fais souvent ce parallèle en fait avec ce que Kassav a apporté en termes de créer, d'inventer un genre en fait. Et que pour moi, déjà toute la mouvance Kako s'inscrit dans cette démarche-là, qu'on retrouve de moins en moins d'ailleurs même au sein du Zouk, puisqu'il s'est formaté, standardisé, et on ne retrouve peut-être plus cette énergie qu'avait amené Kassav. Je voulais savoir comment tu inscris l'apport du hip-hop créole dans la poursuite du travail des héros d'avant, dans cette exploration musicale. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Déjà, il y a la langue en elle-même. Moi, je considère que le créole, c'est un héritage historique, c'est un témoignage même, c'est quelque chose qui témoigne d'une histoire. Donc, c'est un patrimoine, comme on dit, pour employer des grands mots, immatériel. Donc, on doit continuer à le faire vivre, parce qu'une langue qui n'est pas parlée, une langue qui n'est pas utilisée, et je pense notamment à certains mots que moi je découvre quasiment tous les jours dans mon dictionnaire de créole. Les mots qui ne sont pas utilisés sont des mots qui vont mourir. Toi et moi, on connaît, on était assis sur les bancs de l'école de la République, on nous parlait de langue vivante, de langue morte, etc. Et le créole n'est pas en train de mourir, le créole est une langue plus que vivante. Elle est survivante déjà, et elle est vivante. Mais il faut qu'on reste quand même vigilant, parce que finalement, il y a des mots qui existent pour dire des choses et on ne les connaît pas. Et moi, je suis le premier à me rendre compte du fait qu'il y a plein de mots en créole que je ne connais pas et que je découvre quasiment tous les jours dans mon dictionnaire. Donc on a un travail à faire, de continuer à faire vivre cette langue et de perpétuer le travail fait par ceux qui ont défendu cette langue et qui lui ont donné ses lettres de noblesse. Alors effectivement, ça peut être des groupes de musique comme Kassav et les lettres de noblesse qu'ils ont su donner à la langue créole, mais ça peut être aussi des universitaires, ça peut être des philosophes, des penseurs. Je pense à Luc Hubert Séjour, je pense à Daniel Belgisler, enfin à plein d'autres personnes qui ont travaillé et qui se sont dit, je pense à Sylviane Telchit, je pense à Hector Boulet, je pense à tous ces gens-là qui, quelque part, ont presque donné leur vie, se sont sacrifiés pour le créole, pour la langue créole, pour que voilà, il y ait des documents, des écrits sur lesquels on peut se reposer. Et aujourd'hui, quelque part, je récolte un peu les fruits des graines qu'ils ont semées, puisque quand moi je suis là, dans mon canapé, à ouvrir mon dictionnaire de créole pour voir comment on écrit un mot, voir ce qu'il veut dire, ou etc., c'est grâce à eux. Pour moi, je m'inscris un peu dans ça. Pour moi, ce sont des héros de notre culture. Et c'est en faisant vivre la langue créole, en écrivant, en la mettant aussi à l'image, avec les vidéos, comment on dit en anglais, lyric vidéo, les vidéos avec les textes, que je continue ce travail. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, langue. Et pour la partie musicale, c'est vraiment continuer à afficher ce qu'on est et à montrer qu'on peut se renouveler. Il y a aussi cette idée-là derrière. Donc là, je pense à... On va encore parler de Kassav, bien sûr, à Pierre-Édouard Décimus, mais je pense aussi à Gérard Louquel, par exemple, et au Rouka Modène. Si tu veux, toutes ces personnes ont réfléchi, on sont venus avec, entre guillemets, le mot est peut-être un peu fort, des théories, mais on sont vraiment des intellectuels au sens noble du terme, qui ont réfléchi, qui ont pensé à quelque chose et qui l'ont créé de toutes pièces. Et moi, tu vois, je veux rendre hommage à ces gens-là et je veux qu'on continue à créer, à innover, à montrer qu'on peut se renouveler. Pour encore parler de Gérard Louquel, si tu veux, il y a quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire récemment en lisant sa biographie. C'est un passage où il dit que la biguine, ok, mais en fait, il ne faut pas oublier que rythmiquement, la biguine a ses racines dans le Toumblak. Et c'est quelque chose que je n'avais jamais perçu jusque-là. Et c'était une espèce de révélation, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, quand je pensais que j'étais dans une approche rythmique biguine, en fait, j'étais dans une approche rythmique Toumblak. Tu vois, et ça, pour moi, c'est vraiment intéressant de continuer à, voilà, à, comme je le disais tout à l'heure, à faire de la recherche, du développement, pour exploiter tous les rythmes de chez nous qui existent et qui nous permettraient de créer de nouvelles musiques, comme le zouk a été créé avec des bases de Saint-Jean, de Mendy, etc. Alors, tu as parlé de Décimus, tu as parlé de Louquel, mais ma question était plus spécifiquement sur le hip-hop créole. Tu fais partie d'un groupe qui a eu cette approche-là avec des architectes musicaux importants, comme Cacophonie Beatmeka et Exos, à l'origine du mouvement Caco. Et toi, aujourd'hui, le travail que tu fais avec Calbasmas s'inscrit, par le but de l'apport un peu digital, encore plus dans la modernité et même le côté futuriste. Et en même temps, cette approche n'est pas le standard dans le hip-hop. Aujourd'hui, en 2021, on n'est pas du tout dans cette approche-là. Donc, c'est pour ça que je te demandais, est-ce que pour toi, c'est naturel, voilà, que le hip-hop créole ait cette volonté d'exploration qu'ont les Décimus, Louquel, etc. Ou est-ce que c'est pas inhérent à la discipline même du hip-hop? Si tu veux, notre génération, parce qu'on peut presque parler de hip-hop au pluriel maintenant. Exactement. On a une racine qui est commune, et après c'est un tronc qui est commun, et après on a plein de branches. Comme tu le sais, on a dans toutes les disciplines et quelque part toutes les pratiques des pionniers, on va dire des anciens, cette pratique est la recherche, comme on disait, le co-digging, le fait de chercher dans les cartons, de creuser, de chercher des éléments, de chercher des musiques anciennes et de les faire revivre. Donc on a ça qui fait partie de notre ADN d'anciens de la première génération hip-hop. Donc pour moi, effectivement, c'est naturel de le faire. C'est juste que, il faut être honnête, jusque-là, on l'a fait, mais on était un peu complexé quelque part pour moi. On n'avait pas assez confiance en nous. De toute façon, ça, c'est quelque chose de général chez nous, hein, je pense. On a un gros problème de confiance en nous. Et du coup, on était un peu dans le... Ok, je vais sampler un peu de jazz. je vais sampler un peu de soul, je vais faire un peu comme Kanye West, je vais faire un peu comme Wu-Tang, je vais faire un peu comme Pete Rock, je vais faire... Et ça nous a permis de faire nos armes, comment dire, d'apprendre la cuisine. Mais ce qui s'est passé, c'est que finalement, on n'a pas été à fond dans ce qu'on aurait pu faire avec, avec nos musiques. C'est quelque chose qui, bon, qui est explicable parce que culturellement, on ne connaît pas forcément, c'est ça le paradoxe. Notre culture, c'est comme si notre histoire était une... J'avais entendu ça une fois, une succession de morceaux d'histoire, quoi. Il n'y a pas vraiment de continuité, tu vois. C'est des morceaux, des fragments. Raison pour laquelle peut-être la nouvelle génération hip-hop ne connaît pas forcément la génération de 2010 ou la génération de 2000 ou la génération de 90, tu vois. Ce qu'il faut qu'on réussisse à faire, c'est aujourd'hui nous jouer notre rôle en tant que génération intermédiaire qui a ça dans ses habitudes, dans ses pratiques, de sampler, d'utiliser de la musique de chez nous. Il faut que nous, on joue notre rôle aussi de passeur de la culture. C'est-à-dire que, ok, nous, on a un peu négligé ça, ce qui peut s'expliquer par le fait aussi que, comme je disais, on ne connaissait pas notre culture, mais limite, on ne se retrouvait pas dans certains pans de notre culture par rapport à notre vécu. Je veux dire, quand on était adolescent, ce qu'on entendait à la radio ne correspondait pas forcément à ce qu'on vivait. On était déjà dans un zouk qui était peut-être plus sur le zouk love que sur le zouk militant. Donc on a couru vers les cultures jamaïcaines, américaines, tu vois, et donc du coup ça nous a un peu éloigné de notre culture. Mais aujourd'hui on a ce travail à faire de, entre guillemets, de recoller les morceaux et de faire le lien entre ce qui arrive et ce qui était là avant. Donc pour moi c'est naturel par rapport à ma génération, notre génération, de faire ce travail-là, de travailler avec des musiques anciennes, parce que ça fait partie de la culture hip-hop des années 90. Et ça va, pour aussi aller dans le sens de ce que tu dis, dans la continuité de ce que les pionniers ont fait, parce qu'il faut le dire, les nègres qui pas fait la fête ont entamé ce travail-là il y a 20 ans. Il n'y a qu'à écouter l'album Medinina pour entendre des samples de compas, entendre des samples de musique traditionnelle de la Martinique. Star J, Exos ont commencé ce travail à 20 ans, Cacophonie aussi. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il faut pousser ça. Il faut que ça aille plus loin, quitte à faire des... Peut-être, ça existe déjà d'ailleurs, hein, des traps ou des drills samplant de la musique de caribéenne, toujours dans l'esprit. Mais moi, je veux, au-delà de sampler, je veux vraiment qu'on aille plus loin. C'est pour ça que j'ai beaucoup parlé de rythmique au début. Oui. Parce que je pense que refaire un morceau de trap ou de drill avec des samples de Tabou Combo, c'est la bonne voie, c'est la bonne direction. Mais il faut qu'on arrive, voilà, à apporter quelque chose de supplémentaire, de complémentaire, de différent, de novateur, d'authentique, qui est de vraiment travailler les rythmiques. Parce que c'est pas ce qui manque chez nous, comme tu le sais, que ce soit en Bel-Air ou en Gros Cas. Oui, et qu'effectivement, dans les musiques actuelles trap drill, on se félicite déjà d'avoir samplé Kassav, d'avoir samplé, mais au final, tous les éléments rythmiques sont exactement les mêmes que dans tous les sons standards qu'on peut entendre sur les ondes. Pour parler du hip-hop créole, je t'ai demandé de choisir deux morceaux importants pour toi. Est-ce que tu peux nous en parler? J'ai choisi En Danger de Boogie Fla, parce que ce morceau, quand il est sorti, m'avait touché, m'avait beaucoup parlé, pour plusieurs raisons, hein. Déjà dans sa forme, c'est une belle illustration de ce dont je parlais. Rythmiquement, on est dans des rythmes de la Martinique, on a un featuring avec de la musique traditionnelle, du chant traditionnel, on a vraiment une atmosphère enracinée Martinique qui est universelle, quoi. Je veux dire, pourquoi il jouait ça bon chinois et qui prend vibe là. Donc il y a ça dans la forme, pour moi c'est une réussite. Et puis après, dans le fond, dans le texte, ce que Boogie dit, alors avant même de rentrer dans ça, dans la forme, déjà il y a la forme musicale et puis après il y a la forme du texte. Déjà la technique de Boogie, Boogie Fla, c'est comme on dit aux États-Unis, God level MC. C'est-à-dire, il a un niveau vraiment bon. Le gars, il est chez les maîtres, il pourrait enseigner, il pourrait vraiment monter son école de MC. Donc, il y a ça qui est fort. Mais après, dans le fond maintenant de son texte, on est dans quelque chose qui me parle à 972%, j'ai envie de dire, si tu veux. tu es dans des thématiques qui, à l'époque, me parlaient déjà, mais qui aujourd'hui, par rapport à ce qu'on vit, la crise sanitaire, mm-hmm. etc., résonnent encore plus, encore mieux. Je l'ai réécouté ce matin, si tu veux, je me suis dit, waouh, en fait, ouais, c'était okay. vraiment le son intemporel aussi, puisque quand il a créé, il pouvait pas savoir qu'on allait vivre ce qu'on vit. Et ça colle à l'actualité, ça parle de choses dont on parle beaucoup aujourd'hui, dont on parlait peut-être moins il y a 4-5 ans. Et bon, c'est juste beau, magnifique, c'est bien interprété, c'est bien écrit, voilà. Bien. Ou bien nous envie de l'écouter. Mango kakani, tout fini tami, ek mou kakoui, resto la famille. Tout pendant temps, en blanc à plan, porté en façon, fait médicament, viens voyer descendre, fait pharmacie vendre, j'ai soi-disant, traitement pour 10 ans, effet secondaire, nous cachimiser, cacher misé, chimé, chimitien, tiens mioa, c'est pour soin docteur, entre l'hôpital, consiste l'hôtel, santé c'est commesse, c'est pour ça yo pièce, parlez nous connaître, ça nous déconnecte. L'autre morceau que tu as choisi, c'est Starji Exos, mm-hmm. Si vous te savez. Si vous te savez, c'est pareil, un peu le même esprit. Alors dans la forme, je dirais que voilà, c'était il y a 19 ans, c'est 2002 je crois de mémoire. On est encore dans la recherche de la formule Kako, l'alchimie, donc rythmiquement, musicalement, je dirais que c'est pas aussi abouti qu'En danger de Boogie. Ok, on est sur la qui est plus récent. Qui est plus récent. Mais dans le texte, on est voilà, dans des choses qui sont très actuelles aussi. On est dans des thématiques qui étaient très peu abordées à l'époque et qui aujourd'hui sont d'actualité. Donc textuellement, ça résonne énormément. Et en plus, on est dans ce qu'on appelle dans le jargon le passe-passe, donc l'espèce de jeu à deux, donc deux rappeurs qui rappent ensemble. Et c'est très très bien fait, quoi. C'est vraiment Starji, Exos. Au sommet de leur art, qui fait partie pour moi des perles du pop créole. Combien nèg j'assure pour belle musique, faut qu'un vin la ka jouisse si de tripite. Si ou te sa, combien nous goûmè pour faire yo avoué, hip hop créole la pour été comme musique classique. Si ou te sa, que on pas obligé fait ghetto, pour tchè comico et faya tout bombo, tout mytho. Si ou te sa, Jean Las Veyo, trop hypocrite, top fuck up, parfois ça vine parano. Si ou te sa, yo ka dit faux, fiago, fond, propre frère, ou ka dit mounou son fion sans fond. Si ou te sa, Jean sa facile peignant, alors que notre été couché toute la journée, passe maladie la carotte. Si ou te sa, combien clown femme au cabaye sexe, tout pendant au 6 à Kamoun Kaboué sec. Si ou te sa, darling, les gars du pète à please, yeah. Sa capine skate la sans vrai photo ici internet. Si ou te sa, je l'ai au boloco anti-loto, j'ai dit tu bobo, sonno combo et disco. Si ou te sa, toute la je l'ai mis en BM là, laissez pas tes steaks, steak, pas toute semaine là. Si ou te sa, je l'ai en souhait victoire chaque fois on bap tout, tentez contre carré plan à nègre là. Si ou te sa, osez goumé pour nous poser fondation réorganisation. Entreprise nec, si ou te sa, qui j'ai en honte chaque fois en ton nec, dis en d'autres nec, que c'est toujours faute à nec. Si ou te sa, combien télé radio guada qu'a payé la SACEM, nous toutes savent, mais nous refait qu'on s'y pas ni problème. Si ou te sa, plus largement, toujours dans cette notion de référence au temps, donc on a dit tu sors same old ish, la cover, comme le titre, est un hommage à Basquiat, mais on remarque qu'elle a les mêmes couleurs. Rouge, vert, noir, qu'un autre de tes projets tourné vers le passé, Marron Minuit. Mm-hmm. Alors, est-ce que c'est le hasard des références? Donc, quel sens tu donnes à ces couleurs? Quel lien tu fais entre ces deux projets? S'il y en a un. Il n'y a pas de lien entre les deux projets, et en même temps, il y en a un. Les couleurs de Marron Minuit sont un clin d'œil à bien sûr, à Tribe Called Quest, puisque le projet est un hommage au regretté Five Dog du groupe A Tribe Called Quest. Donc, si tu veux, ces couleurs-là me parlent parce que ce groupe-là est un des groupes qui m'a le plus influencé aux États-Unis, mais aussi parce que, ben, comme on le sait, ce sont les couleurs du drapeau panafricain de Marcus Garvey et qui sont quelque part les couleurs diasporiques, les couleurs de la diaspora. Donc, si tu veux, elles sont importantes pour moi et elles sont, comme tu le sais, aussi les couleurs de la Martinique. Pour toutes ces raisons, elles sont importantes et elles sont pour moi un lien entre tous les descendants d'Africains déportés, et elles sont importantes. Après, y a le débat sur le drapeau est un autre débat sans fin, et je ne pense pas qu'on aura assez de temps dans une émission pour en parler. Mais pour moi, c'est important d'avoir ces couleurs-là. On croit ou pas au bleu, blanc, rouge, au rouge, jaune, vert. Mais je pense que le rouge, noir, vert est important parce qu'il a le mérite d'être un socle commun pour beaucoup, beaucoup d'êtres humains qui ont un passé commun, qui peuvent s'unir ou se fréquenter, se connaître, échanger sous cette bannière. Et si ce n'est pas sous cette bannière, ça va être très difficile parce que toi et moi, on sait qu'on n'est pas en contact avec les Brésiliens, on n'est pas en contact avec... Les Jamaïcains ou très peu, avec les gens de Belize ou avec les Noirs péruviens, enfin bon, et même de l'autre côté de l'Atlantique, on n'est pas tant en contact que ça avec les Noirs de la Terre-Mère. Donc pour moi, il est important de faire vivre ces couleurs et surtout de parler de leur signification parce que ce sont des couleurs qui sont un socle d'unité. Alors, sur Osem Old Ish, j'ai presque envie de dire que c'est un hasard. Disons que le fond était noir. Moi, je me voyais par rapport à la photo plutôt avec une teinte verte. C'est... Quand j'ai vu la photo, j'ai dit non, mais il faut. Elle me plaisait pas en teinte normale. Et troisième élément, c'est la couronne. La couronne de Basquiat, souvent, elle est plutôt jaune. Et moi, je l'ai visualisée rouge dans ma tête. Donc, j'ai demandé à l'infographiste de la faire en rouge. Et c'est après que j'ai vu qu'effectivement, on avait rouge, noir, vert qui ressortait, mais c'était pas. Entre guillemets prémédité. Non, on ne t'avait pas dit ça pour dire les moulins, comme on a dit Chongoni, différents projets, un MC productif, donc ayant les Bandcamp, si vous pouvez vous nous adresser là. Alors c'est isme.bandcamp.com, donc accessible. Everywhere, partout. Alors, sur Bandcamp, parce que tout le monde n'est pas familier, tout le monde n'est pas habitué avec cette plateforme, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut streamer de façon limitée, mais on peut streamer au moins 3 fois sans difficulté, de façon gratuite, sans abonnement, c'est important de le dire. Et on peut également télécharger si on veut avoir les fichiers ou écouter sur l'application. Ou écouter sur l'application, etc. Alors, je tiens à dire que bon, Bandcamp est important pour moi parce que c'est quelque part le... un peu la boutique, maison, le lolo, mais qu'à côté, il y a les plateformes majeures hein, qui sont, que j'alimente, il n'y a pas tous mes projets dessus, mais que j'alimente en fonction des projets, si c'est une mixtape ou pas une mixtape, etc. Donc mes projets, on peut les trouver aussi sur les plateformes majeures, mais comme vous le savez, enfin, comme les auditeurs le savent, comme tu le sais, le streaming aujourd'hui ne fait pas manger. Donc c'est pour ça que moi, je demande aux gens qui veulent me soutenir d'aller plus sur Bandcamp que sur les plateformes de téléchargement majeures parce que sur Bandcamp, déjà on est en contact plus direct. Je pourrais même avoir leur adresse mail, échanger avec eux. On a une plateforme pour les indépendants, entre guillemets par des indépendants, qui favorise les artistes et est bien plus intéressante pour les artistes dans la façon dont elle est conçue. Alors après, ma question sur les couleurs, on va poursuivre les questions anecdotiques. Scientific, tu dédies un titre instrumental au Pont de l'Alliance, et cette fois au Pont de la Gaba. Les Lebanga Sipongaba. Est-ce que tu peux nous expliquer ce titre de l'album Live from Wakanda? Non, j'ai pas fait le lien bien vu. Alors l'Alliance, oui effectivement, alors je vais quand même répondre sur l'Alliance rapidement. On précise, excuse-moi, que ce sont deux ponts importants de la Guadeloupe qui rattache Grande Terre et Basse-Terre. Yes, alors l'Alliance, c'était l'idée de lier les deux parties de l'album. Donc une première partie, on va dire plus terrestre, et l'autre un peu plus spirituelle, un peu plus aussi globale, tu vois, avec des thématiques plus générales, plus internationales que locales. Donc l'interlude de l'Alliance faisait vraiment le lien entre les deux. Et bien sûr, c'était pour la symbolique de l'alliance, de l'unité, que je trouve être une belle symbolique. Et enfin, l'alliance, c'était aussi le lien avec d'autres MC, avec tous ceux qui n'ont pas forcément de quoi rapper. Donc c'était un instrumental pour permettre à ceux qui veulent rapper, qui ont besoin d'un instru, de disposer d'un instru. Donc ça, c'était la symbolique de l'alliance sur Scientific. Et les Lebanga Sipongaba, la genèse de ce morceau. C'est quelque chose d'assez... Enfin, ça va peut-être te faire sourire. En fait, je suis parti un jour au travail. Je crois qu'il était 6h du matin, quelque chose comme ça. Entre 6h et 7h, très tôt pour éviter les embouteillages, parce que je suis assez loin de la région pointoise. Et il y avait un mouvement de grève sur le pont de la Gabarre. En fait, le pont de la Gabarre était bloqué. Et du coup, en fait, j'ai pris, je crois, 5 ou 6 heures pour arriver à Gosier. Donc, je ne sais pas si les gens connaissent, mais le Lamantin, Gosier, 5 heures. Et si tu veux, je ne pouvais pas en vouloir aux gars. Parce qu'en fait, de mémoire, hein, c'était un mouvement de grève par des pêcheurs. Moi, je mange que du poisson. Les gars, en fait, avaient un mouvement qui me parlait. Donc moi, j'étais dans ma voiture pendant 5 heures. Bon, heureusement, j'avais de la batterie sur mon portable. Tu vois, j'ai pu quand même faire des choses. Peut-être que j'aurais été plus énervé si j'avais pas ça. Mais voilà, j'ai passé 5 heures, plus de 5 heures dans ma voiture pour parcourir. Alors oui, pour que les gens visualisent peut-être 15 km. Et quand je suis arrivé, en fait, près de mon lieu d'embauche, c'était l'heure du déjeuner. Tu vois. Et donc, si tu veux... Ce jour-là, je me suis dit non, il faut que je crée quelque chose à partir de ce moment de vie. Okay. Parce que c'est assez incroyable. Enfin, et donc, du coup, voilà, j'ai eu cette idée de créer ce morceau, Lélé Banga Sifon Gaba. Donc, en gros, pour imaginer, dire en français, il y a du grabuge sur le pont de la Gaba, quoi, il se passe quelque chose. Et avec aussi cet amour des mots, donc l'idée de créer un seul mot avec plein de mots que je colle pour créer un nouveau mot qui sonne un peu comme une langue étrangère, à tel point que certaines personnes m'ont dit mais c'est quoi ce titre, c'est quoi cette expression. Donc c'est juste Lélé Banga Sifon Gaba. Merci pour la question. Asi ponga ban tout vont les banga. Voici qu'a collé mon manye sanga sanga. J'ai passé l'alliance caramba en priant sanka. Travaille flow là, travaille à Madou Bamba. J'ai nom, où veut jouer les gangs sa panga. Yo pas fou à côté, ou pas fina dans un hanga. Prends cool sa vini si poule, ini si kana. Sou bien gade ok, voici si poule, pas gaga yama. Où veut ni en bel karma, récite les ka mantra. Vous fait sa nage en bed, le congé manta. Pose fizila, laissez sa mascara manga. Quitter des heures de casque de bois, Kungas Payanga, Nisa Kissi Semba, Nisa Kissi Samba, un cigarro, voyez bien jaune, con à la manga, des M, moi c'est Insta, au pire sur Messenger, Guadoupis in the house, oh my god, danger! Lélé Banga Sifon Gaba ainsi que le deuxième titre, nous parle pour des bêtises. Ah oui, le titre c'est Life on Wakanda. Life on Wakanda, ce sont mes deux titres préférés du projet. Ben, merci beaucoup. Kako Technique, donc c'est un maxi deux titres, deux instrus. Ishango Kako, pareil avec Jamal Fines, donc Ishango Sound, le groupe dont tu fais partie. Restaient très hip-hop dans leur structure et leur thématique. Sur Wakanda, il y a une ouverture, une efficacité des refrains avec souvent des apports vocaux extérieurs comme Ines Kai que tu as cité, qui est présente sur plusieurs titres, M. Preskemi et des voix d'enfants, il me semble. Et cette efficacité marque selon moi le travail de Kassav qui sait rendre ses expérimentations abordables pop au sens noble du terme. Et je voulais savoir quelle a été ton approche pour ce projet là. Moi je sais pas chanter déjà, pour parler musique et parler chant. Donc quand j'ai des mélodies qui me viennent en tête, il me faut des personnes compétentes pour pouvoir les reproduire. Et naturellement je me suis retrouvé à travailler avec Ines Kai sur plusieurs morceaux, dont certains qui sont sur des projets qui sont pas encore sortis. Et on est presque parti dans une espèce de cycle presque industriel où régulièrement je lui envoyais des guides et elle me faisait les voix. Et donc je pense que oui, c'est ça qui aussi apporte peut-être cette dimension, ce côté un peu pop, c'est-à-dire le fait qu'il y ait plus de mélodies que sur des sons hip-hop entre guillemets purs et durs. Et le fait que ce soit des chants interprétés par une femme aussi. Tu vois, c'est une couleur spéciale, c'est un timbre de voix, c'est une émotion. C'est ça qui peut-être fait la différence. Après, c'est beaucoup de spontanéité pour répondre à ta question. C'est-à-dire que c'est pas genre « I'm thinking of a master plan », tu vois. Je suis assis là et j'ai le plan devant moi bien défini. C'est un peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a des idées générales et après... des fois, on fait un morceau là, un morceau là, un morceau là, et puis on se rend compte du fait qu'ils peuvent appartenir au même projet. Ça peut être une expérience de vie, un voyage, une visite d'un musée, ou la vue de quelque chose dans un musée qui va inspirer quelque chose. Ça peut être un événement d'embouteillage de 5 heures. Si tu veux, il y a beaucoup de spontanéité. Ce qui peut se produire aussi, c'est qu'un morceau peut donner... la direction d'un projet ou le titre d'un projet. Life on Wakanda, c'est vrai que c'est difficile pour moi rétrospectivement de savoir quel était le... J'ai pas posé la question. Tu vois, le processus créatif, mais il me semble que j'ai eu l'idée de ce morceau, de son refrain, après avoir entendu le beat, et que après j'ai décidé que ce morceau deviendrait, entre guillemets, le morceau phare du projet et donnerait au projet son nom. Mais à la base, de mémoire, le projet avait un autre nom et dedans, il y avait Life on Wakanda. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, je passe mon temps à trouver des concepts et à les modifier, à les transformer, à les triturer pour à la fin, bon, trouver une formule qui tient la route. Donc vraiment merci, parce que quand tu me dis que tu trouves qu'il y a un bon équilibre entre le côté hip-hop, le côté pop, le côté entre guillemets accessible, moi je suis super content parce que c'est le but. Le but, c'est d'essayer d'élargir son public tout en restant soi-même. Et je vais reprendre l'exemple de Fresh sur Scientific. Tu vois, Fresh, c'est un des seuls morceaux que j'ai fait comme ça, dans cette couleur, cet esprit, cette émotion. Mais j'ai vraiment eu l'impression que je l'ai fait d'être resté moi-même. Tu vois, et pour moi, c'est super important en fait de faire des choses qui me plaisent et d'avoir l'impression de rester moi-même quand je crée. C'est simple, moi j'arrive pas à sortir des choses que j'aime pas. Je précise, quand j'ai dit l'apport des refrains chantés, faut pas que vous vous imaginiez la combinaison rap R&B classique ou rap pop urbaine. Ça reste des morceaux. Moi, c'est mes deux morceaux préférés, parce que rythmiquement, ce sont ceux qui vont le plus loin dans le côté créatif. Et en même temps, moi, ça m'a fait penser en fait à Outkast. Okay. C'est-à-dire des sons perchés, mais qui peuvent rester pop, alors que tu vas capter le truc, toi. Okay. Et qui vont me faire penser à plein de sons de Kassav. Plein de sons de Kassav qu'on trouve tout à fait... Ce sont des tubes très commerciaux. Et quand tu réfléchis à la structure, à la rythmique, tu te dis, pouh, mais c'était pas évident que ça soit. Je pense à Kai Maman, La tête est tremblée. Quand tu écoutes le beat... Ouais. Il se construit, les éléments rythmiques arrivent très tard dedans, enfin, tout est basé sur un petit riff très très court, et ouais, c'est cette énergie là que j'ai aimé retrouver, donc c'est pas expérimental pour être expérimental. Fait wak, fait épilepsie. Ranger qui l'on ton Epsi, Kini Flo Flo S. N. K. L. S. K. S. K. Max. I. H. I. F. I. E. V. L. S. Au millénaire dernier, t'es casse dans scène. Pour finir là-dessus, je te dirais que c'est un peu la touche d'humour. Je te dirais qu'à nos âges, on n'a plus trop le luxe de faire de l'expérimental pour de l'expérimental aussi, quoi. Quitte à faire des expériences, et même le mot expérience, tu vois, il a une mauvaise connotation. Donc moi je dirais, ouais, j'essaie de faire des choses alternatives. Après, je ne me cache pas, hein, Wakanda, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un centre de recherche et de développement, mais c'est de la recherche et du développement, tu vois. Et avec l'idée, voilà, de pas juste chercher pour chercher, mais trouver aussi, quoi. Donc quand tu me dis que pour toi, il y a quand même quelque chose qui rend la chose accessible à un grand public. Mmh. Je me dis, ben, nous trouvons bitin. Et ça me touche. Merci. T'as espéré les moulins qui te pétient plus. C'est pas chasse avec Pio. Mais comme tu disais dans PPLA, objet musical, le poco j'entends. Mmh. Pour moi, c'est ça. Et en même temps, tu disais, si on pas qu'à jouer, c'est bon signe qu'on dit le pâté. Est-ce que tu as dit toujours? Non mais, bien, non mais j'assume complètement et j'adore cette phrase que je sais même plus dans quel contexte mon père m'avait dit ça, mais si je l'ai écrit c'est qu'il me l'a dit. Quand tu dis ça, effectivement tu risques de te faire quelques ennemis, mais bon, moi je reste dans cette idée là que de toute façon faut faire ce qu'on a envie de faire. Faut rester soi-même. Si c'est joué, tant mieux. Si c'est pas joué, à la limite, si tu veux, c'est pas grave, parce que tant qu'Internet existe, on a au moins l'impression d'exister. Parce qu'on a un public qui est hors, entre guillemets, hors onde hertzienne, hors radio, qui est réactif, qui soutient. Bon matin même, alors ce matin, j'étais sur Instagram avec une de mes followers fans, basée dans un état aux États-Unis, mais genre Arizona, enfin espèce d'état pède quoi, bonne. En fait, ce qu'elle me dit, c'est que, bon, il paraît qu'on prend un med, hein, mais c'est la vibration, l'énergie, tu vois, qu'elle ressent et qu'elle apprécie. Et à chaque fois qu'elle dit ça, qu'elle dit, mais quand moi j'ai des retours comme ça, je me dis, ok, ça veut dire qu'on a réussi à passer la barrière de la langue, qu'on a réussi à, tout en rappant en créole, à toucher des gens qui sont pas de notre culture, qui sont certes un public hip-hop, hein, parce que cette personne-là, c'est mon cas côté Black Milk, quelqu'un qui écoute du rap quand même, qui a une culture urbaine, mais qui rentre dans notre univers, même si cette personne-là ne comprend pas ce qu'on dit et ne comprend pas notre langue, et je vais encore plus loin, n'est pas habitué à ce type de rythmique. Oui, bien sûr. Tu vois, donc c'est vraiment encourageant. Donc tout ça pour dire que oui, j'aimerais que les œufs soient diffusés, parce que si pas ni FM ni AM, pas gagné SACEM. Je le dis aussi dans ce texte. La SACEM, c'est la diffusion. S'il n'y a pas de diffusion, il n'y a pas de SACEM. Et en même temps, beaucoup de gens le savent, mais en même temps, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Dans le combat des artistes aujourd'hui, par rapport au fait qu'il y ait toute cette possibilité de se produire, de toucher des cachets et autres, je trouve que ce débat-là, de la diffusion, ben, il est pas assez mis en avant. Je parle même pas pour moi, hein, je parle pour plein d'autres artistes qu'on connaît, qui sont pas forcément diffusés et qui pourtant font une musique qui pourrait plaire au plus grand nombre. Donc bon, je referme cette parenthèse-là, mais qu'on dise parole là... J'ai envoyé la bouteille à la mer et si quelqu'un la rattrape derrière, je serai content, mais de toute façon, en pays molli, il y a qui continue à faire musique comme moi, même s'il prend les radios. Dernière question qui peut-être va nous ramener à ce dont tu parles là. Tu as donné un concert à la porte avec notamment Samuel Lavizou à la batterie, Mimi Nelzi au cœur et Jamal Finest de Ishango Sound, auquel j'ai eu la chance d'assister. La formation collait bien sûr parfaitement à tout ton répertoire jazz. Soul, mais j'ai trouvé que ça prenait une dimension nouvelle sur les titres plus caco. J'ai cru noter un mélange de live et de sample sur des prods de cacophonie notamment. Mm-hmm. Et c'était notamment aussi le feu sur un titre comme Fresh. Est-ce que la scène n'est pas aussi un laboratoire de choix pour porter Wakanda? Et est-ce pour autant possible en 2021 de développer le live comme cela a été le cas d'un Kassav dont on parle depuis le début pour transmettre leur vision? Excellent, merci de poser la question. Oui, en fait, aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie du live et on ne peut pas, je pense, encore une fois, je vais encore parler de nos âges, même si je n'aime pas trop parler, comme dit Nick Magnick, d'histoire d'anciens combattants. Mais je pense que oui, on ne peut pas, à nos âges, ne pas penser live, et d'ailleurs, même pour les plus jeunes, hein, on n'est pas là pour une leçon, mais. Je pense que c'est important, tu vois, de peut-être de conceptualiser, d'imaginer les choses en studio, sur des machines, mais après de franchir ce cap, d'essayer de les développer en live. Pour moi, on a souvent opposé les deux, culturellement, notre génération en a un peu fait les frais d'ailleurs, hein, parce que nos musiques hip-hop, voire même dancehall, n'ont pas été vraiment considérées comme étant entre guillemets, des vraies musiques par une certaine génération, mm-hmm. parce que c'était beaucoup de, comme on dit, de programmation. Mm-hmm. Tu vois, et le mot était vraiment utilisé un peu pour dénigrer à l'époque. C'était de la musique, c'est de la musique assistée par ordinateur. Moi, j'ai pas peur de dire, on le dit pas souvent, que le rap, c'est de la musique électronique. Mm-hmm. Parce que quand on parle de musique électronique, on pense techno, on pense en paquet de bitains, mais on parle pas de dancehall, on parle pas de hip-hop. Toutes ces musiques-là qui se sont construites et grâce aux machines, il est important de les développer en live. Pour moi. Après, ça se fait pas n'importe comment. Donc, encore une fois, merci de me poser la question parce que ça fait un moment que je me dis oui, ce serait bien de faire du live et qu'on me dit Mano, faut que tu fasses du live, etc. Mais si tu veux, moi je voulais pas que ce soit au détriment de la musique même. Mm-hmm. Comme tu le sais, le hip-hop, c'est pas une musique qui est forcément facile à jouer en live. Moi je prends toujours le même exemple quand je parle aux gens de ce sujet-là. Je leur dis il y a 300 millions d'Américains et un seul The Roots. Il y a plein d'autres groupes qui doivent jouer du hip-hop aux États-Unis, mais il y en a un seul qui est vraiment connu à l'échelle planétaire et à l'échelle nationale. Donc ça prouve bien que c'est pas si évident que ça. Questlove, comme tu le sais, le batteur de The Roots, sûrement il doit être directeur musical aussi, je pense, enfin, qui est le pilier, la fondation, à pas n'importe qui moon. C'est-à-dire que derrière, il y a eu toute une réflexion sur le traitement du son, le traitement de la batterie, de comment avoir un son particulier en live. Donc moi, je voulais pas que ça, voilà, je voulais pas sacrifier la musique, juste faire du live pour faire du live. Et il se trouve que Samuel qui a tourné avec Kenny Garrett, du haut de ses combien il doit avoir autour de 25 ans, très jeune, mais très talentueux, déjà expérimenté, avec une culture musicale très très très large, qui peut aller du coca modène jusqu'au hip-hop, en passant par le jazz, et j'en passe, parce que MCK joue Zouk aussi, en fait, peut jouer tout bitin. Donc quand un gars comme Samuel vient te voir et te dit « Mano, allons faire un truc », c'est bon, t'es rassuré. Voyons si Zakaza, là, dans Fauteuillard, on consent, bien cisé. Je sais qu'il va venir avec la matière, et que ma musique, elle sera comme elle doit être. Tu vois, je sais que je marche avec un directeur musical, entre guillemets, de luxe. Tout ça pour dire que c'est important de développer la musique électronique, entre guillemets, vers le live, mais pas dans n'importe quelle condition, en la respectant. Et je vais te donner un autre exemple d'ailleurs d'artiste qui m'a inspiré, hein, c'est Erykah Badu. Erykah Badu, tu écoutes ses albums, c'est de la composition machine, en fait. Pas tous les albums, et puis des fois c'est un mélange d'instruments et de machines, mais c'est quand même beaucoup de compositions électroniques. Tu vois Erykah Badu en live, elle a un band, tu vois. Et donc c'est, pour moi, il ne faut pas opposer les deux, tu vois. Tu peux penser machine ton album et ensuite le développer en live. Je prends l'exemple de Q-Tip aussi, de Tribe Called Quest que j'ai vu en concert en 2009 ou de Black Milk que j'ai vu la même année à Montreux. Ces artistes-là, ils ont des albums qui sont des albums machines et électroniques. Et sur scène, ils ont des bandes. Et après, tu as parlé de ce qu'on a fait sur ces poux, où effectivement, il y a eu ce travail intermédiaire d'avoir les musiciens et une boucle quand même, parce qu'on n'avait pas les cuivres, une boucle du sample avec les cuivres qui tournaient. Comme tu le sais, c'est tout un travail, donc ça demanderait beaucoup de répétitions pour approfondir ça et trouver le bon équilibre. Après, l'idéal serait d'avoir carrément des cuivres sur scène, on est d'accord. Pour finir là-dessus, je pense qu'il y a un aspect économique aussi qu'il faut prendre en considération. Si les gens travaillaient sur des machines à la base, c'est parce que ça coûtait moins cher aussi. Le live a cette dimension aussi, a cette dimension qui permet quelque part d'être pris plus au sérieux. Mais à côté de ça, il y a aussi le coût du live. Et donc Sepou, c'est un bon exemple parce que Sepou, il y a un sample de cuivre. Et c'est vrai que ce serait vraiment magique de pouvoir interpréter des morceaux de hip-hop avec une section cuivre, tu imagines. Et là, on serait vraiment dans... on tendrait vers l'esprit Kassav parce que mine de rien, une des identités sonores de Kassav, c'est la section cuivre. Oui. Merci beaucoup, Mano Dichango. Plusieurs projets, on s'est concentré sur Live from Wakanda, mais l'actualité c'est aussi Same Old Ish, qui est un projet avec un beatmaker. C'est un beatmaker, Basquiat haïtien basé à Brooklyn, New York, connu pour avoir composé Quest Conscious de Joey Badass. Ok, et bien tout ça est disponible sur le Bandcamp Tismé. Bandcamp.com. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin? Tismé avec un Y, je dirais déjà. Important. Force à tous les auditeurs de l'émission. Merci à toi, vraiment. Merci, je t'en prie. Merci de l'invitation. Je t'en prie, c'était un plaisir. Vous êtes sur Conlambi, Musique Jeudi, premier dimanche de chaque mois sur Radio FPP, c'était VDS. À la prochaine.